vous souvenez peut-être du passé. Par exemple, comment dit-on « j'ai parlé » ? J'ai. Et oui, parlé. Hablado. Et hablado, oui. Hein? Donc, on utilise « avoir ». Il y a deux verbes « avoir » en espagnol. Il y a « tener » et il y a « haber hein? ». H-A-B-E-R. Haber. Qui est en fait un verbe auxiliaire. Hein? Un auxiliaire, c'est ce que je compare à un plongeoir à partir duquel on peut plonger dans le passé. Donc, à partir du plongeoir, c'est-à-dire après « haber », si le verbe est un « ar », on plonge dans le passé avec « ado », comme « hablar » qui donne « hablado »,« tomar »,« tomado »,« comprar », »,« comprado ». Mais si ce n'est pas un verbe en « ar », alors on plonge dans « ido ». Par exemple, « vender » qui donne « vendido », « comer », comido, salir, salido. Avoir, haber, correspond en fait aux terminaisons du futur. Quelles sont les terminaisons du futur? Re. Re. Re, oui. Et avec le nous? Remos. Re, remos et? Ra. Ra. Ran. Ras. D'accord. Alors, remplaçons le R de RE, REMOS, RA, etc. par un H. Donc, au lieu de RA, on aura HA.